Lettre 45e. L'abbé Lacordaire. Les meilleures places réservées pour les hommes. Dimension de Notre-Dame. Les jeunes gens en France font toutes les réputations. Discours du prédicateur. Je vous ai parlé de deux prédicateurs célèbres. Il y en a encore un dont la réputation m'a engagé à supporter dimanche 2 heures d'une ennuyeuse attente avant le commencement de la messe qui précéda le sermon. Il faut se soumettre à cet inconvénient si l'on veut se procurer une chaise le jour où l'abbé Lacordaire monte en chaire à Notre-Dame. Il faut convenir que c'est une rude patience, mais ayant entendu parler de cet homme célèbre, tantôt comme d'un prédicateur envoyé par le ciel pour établir le christianisme en France, tantôt comme d'un hypocrite auprès duquel Tartuffe aurait été un saint, tantôt comme d'un homme auquel, depuis Bossuet, personne ne pouvait se comparer, tantôt comme d'un charlatan plus fait pour parler sur des tréteaux que dans la chaire de Notre-Dame. Je me décidai à aller moi-même l'entendre, quoique à dire vrai, je ne prétendisse pas être compétente pour juger entre ses amis et ses ennemis. Plusieurs circonstances se réunirent toutefois pour diminuer l'ennui de cette longue attente. Je pourrais même aller plus loin et avouer que ces moments ne formèrent pas la partie la moins profitable des 4 heures que nous passâmes dans l'église. En entrant, nous trouvâmes toute l'immense nef fermée par des barrières, ainsi qu'elle l'avait été le jour de Pâques pour le concert, car je ne saurais donner un autre nom au service de cette fête. Nous étant présentés à l'entrée de cette enceinte, on nous dit que les dames n'étaient point admises dans cette partie de l'église, mais que dans les galeries latérales, nous trouverions des chaises et de fort bonnes places. Cet arrangement m'étonna par bien des raisons. D'abord, il était contraire à tous les usages nationaux, car partout en France, les meilleures places sont réservées aux femmes, et jusqu'à ce moment, je n'avais jamais trouvé que l'on en agît autrement. Ce qui ajouta encore à mon étonnement, c'est que dans toutes les églises où j'étais entré, quelque nombreuse que fût l'assemblée, je l'avais toujours trouvée composée de 12 femmes au moins contre un homme. Aussi, lorsqu'en regardant par-dessus la barrière, je vis des rangs serrés de chaises en assez grand nombre pour placer au moins 1500 personnes, je me dis que pour rendre nécessaire un tel arrangement, si peu d'accord avec la politesse, il fallait sans doute que tous les ecclésiastiques de Paris eussent formé le projet de venir écouter leur éloquent confrère. Mais je n'eus pas besoin de me livrer pendant longtemps à mes conjectures. La foule ne tarda pas à entrer par toutes les portes, et nous nous empressâmes d'aller prendre les meilleures places qu'offrissent les galeries latérales. Nous nous trouvâmes entre les colonnes qui sont précisément en face de la chaire, et nous en fûmes assez satisfaits, ne doutant pas qu'une voix si puissante ne parvint jusqu'à nous même à cette distance. La première consolation que j'éprouvai à la pensée de la longue attente à laquelle j'étais condamné, sur le siège peu commode où j'étais placé, fut de me dire que j'étais dans les antiques murs de Notre-Dame. C'est une bien belle église, et quoiqu'elle ne puisse pas se comparer soit à l'abbaye de Westminster, soit aux cathédrales d'Anvers, de Strasbourg, de Cologne, ou à beaucoup d'autres que je pourrais nommer, elle a bien de quoi occuper l'œil fort agréablement pendant un temps considérable. Les 3 belles fenêtres en rosace, par lesquelles une lumière colorée pénètre du nord, de l'ouest, du midi, offrent déjà par elles-mêmes une fort agréable étude pendant une demi-heure. D'ailleurs, quoiqu'elle n'ait que 40 pieds de diamètre, elles me rappelèrent la magnifique fenêtre circulaire de Strasbourg, dont le seul souvenir pourrait faire passer une autre demi-heure. Après cela, je m'efforçais, sans succès, de me rappeler certains vers baroques que j'avais entendus citer quelques jours auparavant et qui contiennent l'indication des dimensions de cette cathédrale. Je vais les transcrire pour votre usage et même pour votre amusement, si jamais il vous arrive d'être obligé comme moi d'attendre, dans l'attitude la plus incommode, l'arrivée d'un autre l'abbé Lacordaire. Si tu veux savoir comme est temple de Notre-Dame le grand temple, il y a dans œuvre pour le sœur 10 et 7 toises de hauteur, sur la largeur de 24 et 65 sans rabattre à de long. Autour haut monté, 34 sont comptés, le tout fondé sur pilotis, aussi vrai que je te le dis. En répétant cette description poétique, vous n'avez qu'à vous rappeler qu'une toise vaut 6 pieds, et en tournant votre tête de chaque côté, vous aurez la satisfaction de savoir au juste à quelle distance portent vos yeux. Une source d'amusement assez féconde pour moi fut de voir arriver l'assemblée. L'édifice tout entier fut bientôt rempli d'autant de personnes qu'il en pouvait contenir, et nos places, qu'en entrant nous croyions assez mauvaises, se trouvèrent être des meilleures. Il n'y avait pas une colonne qui ne servît d'appui à autant d'hommes qu'il en fallait pour l'entourer. Les avances, les balustrades, les autels latéraux, tout offrait la même apparence que si un essaim d'abeilles s'y fût posé. Mais ce qui attira le plus mon attention, ce fut la nef. Quand on m'avait dit qu'elle était réservée pour des hommes, je m'étais attendu à la voir occupée par des citoyens catholiques d'un âge mûr, rassemblés de tous les quartiers de la ville et peut-être aussi de la campagne, pour venir entendre le célèbre prédicateur. Mais à ma surprise, j'y vis affluer au contraire des flots de jeunes gens mis dans le dernier goût, et tels que je n'en avais encore vu qu'un petit nombre aux cérémonies religieuses auxquelles j'avais jusqu'alors assisté. Il y avait bien parmi eux quelques hommes plus âgés, mais la grande majorité n'avait pas 30 ans. Il me fut impossible de comprendre la cause de ce phénomène, mais pendant que je me tourmentais pour trouver le moyen d'éclaircir ce qui me paraissait si extraordinaire, le hasard amena près de moi un voisin communicatif. Il n'y a pas de lieu au monde où il soit aussi facile qu'à Paris d'entrer en conversation avec un étranger. Il existe dans tous les rangs un désir plein de courtoisie, de se communiquer les uns aux autres, qui rend extrêmement aisé de connaître les opinions des personnes de toutes les classes. Nous vivons d'ailleurs dans un temps particulièrement favorable à ces communications. Une grande liberté d'exprimer des opinions de toute espèce formant un des traits principaux des mœurs actuelles de Paris. On assure que rien n'est plus difficile que d'obtenir une réponse courte et précise d'un Irlandais. D'un Français, c'est tout à fait impossible. Quand la réponse ne contiendrait au fond que le sens des seuls mots « je ne sais pas », elle est toujours donnée avec un ton et une tournure de phrase qui empêchent que l'on ne s'aperçoive de ce qu'elle a de vague et laisse dans l'agréable persuasion que la personne à qui l'on s'est adressée aurait volontiers été plus explicite si elle l'avait pu et qu'en outre, elle serait heureuse de toute autre question que l'on voudrait lui faire sur quelque sujet que ce fût. Ayant fait un léger mouvement avec ma chaise pour faciliter le placement des longues jambes d'un voisin à cheveux blancs, il saisit cette occasion pour ajouter à son « mille pardons, madame » une observation sur le tort que l'on avait eu de réserver toutes les meilleures places pour les hommes. C'était, à la vérité, ajouta-t-il, un arrangement bien opposé à la galanterie habituelle des Parisiens. Mais, selon toute apparence, on s'y était décidé pour épargner aux dames l'inconvénient de se trouver au milieu de la foule de jeunes gens qui venait constamment entendre l'abbé Lacordaire. Je n'ai en effet jamais vu autant de jeunes gens dans une église, répondis-je, dans l'espoir qu'il m'expliquerait ce mystère, mais voici quelle fut sa réplique. La religion catholique n'a jamais eu autant de chance de s'étendre sur toute la terre qu'en ce moment. Le royaume d'Irlande ne tardera pas à être pleinement réconcilié avec le siège de Rome. Il ne lui reste plus qu'à suivre l'exemple que nous lui avons donné dans nos grandes journées et à placer un prince de son choix sur le trône. Il nous croyait bien certainement des catholiques irlandais. La patience exemplaire avec laquelle nous attendions le sermon du nouvel apôtre ne pouvait guère s'expliquer d'une autre façon. Je ne cherchais point à le détromper, mais désirant le ramener sur l'assemblée dont nous étions entourés, je lui dis « S'il en faut juger par la foule réunie dans cette église, Paris, du moins, est devenu bien plus dévot qu'il y a quelques années. » « Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, » dit-il avec énergie, « pour reconnaître que la France d'aujourd'hui n'est plus la France de 1809. Elle est heureusement devenue profondément et sincèrement catholique. Elle cherche de nouveau dans son clergé ses orateurs, ses grands, ses hauts dignitaires. Elle donnera peut-être encore des cardinaux à Rome, et Rome donnera encore peut-être un ministre à la France. » Je ne savais comment répondre à cette tirade, et je crois qu'il commençait à soupçonner qu'il s'était trompé dans ses conjectures sur notre compte. Car, après avoir gardé le silence pendant quelques minutes, il se leva, et quittant la place dans laquelle il avait trouvé moyen de se glisser, non sans peine, il disparut dans la foule. Mais je le revis avant de sortir de l'église, debout sur les marches de la chaire. La chaise qu'il avait abandonnée fut sur le champ occupée par une personne que j'avais déjà remarquée debout non loin de nous. S'étant probablement aperçue que nous étions d'humeur assez parlante, elle entra immédiatement en conversation avec nous. « Avez-vous jamais rien vu ?» nous dit ce nouveau voisin, qui puisse se comparer à la vogue que cet homme a obtenue. Regardez ces jeunes gens, madame. Ne se croirait-on pas à une première représentation ? On se trompe beaucoup, répondis-je, si l'on prétend que les jeunes gens de Paris ne sont pas au nombre de ses fidèles. Regardez-vous donc leur présence ici comme une preuve de leur piété ? Demanda mon voisin avec un sourire. Certainement, monsieur. Quelle autre explication pourrais-je en donner ? Je conçois cela. Une étrangère doit en tirer cette conclusion. Mais un homme qui connaît Paris ? Il sourit de nouveau d'une manière très expressive, puis l'ajouta après une courte pause. Soyez bien sûr que si un homme doué d'autant de talent et d'éloquence que l'abbé Lacordaire débitait chaque semaine un discours en faveur de l'athéisme, ces mêmes jeunes gens viendraient l'écouter avec tout autant d'empressement. Une fois peut-être, par curiosité, dis-je, mais il me paraît inconcevable qu'ils voulussent prêter l'oreille régulièrement, pendant plusieurs mois, à des arguments contraires à leurs opinions. Et cela n'en est pas moins exact. Toute personne qui trouve moyen d'acquérir à Paris une réputation de talent, de quelque nature qu'il soit, peut être assurée que les jeunes gens courront après lui pour le voir et l'entendre. Ils se croient, de droit imprescriptible, les seuls arbitres et distributeurs de la renommée intellectuelle. Et quelque éloigné de leurs occupations habituelles que soit la direction que prend ce talent, ils sont convaincus que seuls pourront mettre le sceau à la réputation à laquelle il aspire. Ils reconnaissent par conséquent, au moins, que les paroles de l'abbé ont de la puissance, sans quoi ils ne lui accorderaient pas leur suffrage. Ils reconnaissent sans doute que ces paroles ont de l'éloquence, mais si, par puissance, vous entendez le pouvoir de convaincre ou de convertir, je puis vous assurer qu'ils ne l'admettent en aucune façon. Non seulement je crois que tous ces jeunes gens sont des incrédules, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas un d'entre eux sur 10 qui mette la moindre confiance dans l'orthodoxie de l'abbé lui-même. Mais de quel droit en douterait-il ? On ne lui permettrait certainement pas de prêcher dans Notre-Dame, ou l'archevêque lui-même l'écoutait le juge s'il n'était pas orthodoxe. J'étais en pension avec lui. C'était un enfant vif et plein d'esprit, et dès lors il annonçait une âme peu crédule et peu disposée à se soumettre à des doctrines qui le paraîtraient embarrassantes. Il me semble que cette circonstance même offre la plus grande preuve de sa sincérité actuelle. Enfant, il doutait, homme, il croit. Ce n'est pourtant pas là ce qu'on dit. Mais écoutez la sonnette, la messe va commencer. En effet, le son de l'orgue se fit entendre, les voix retentirent, et au bout de quelques minutes, nous vîmes l'archevêque, entouré de son magnifique cortège, venir poser le Saint-Sacrement sur l'autel. Dans l'intervalle qui s'écoula entre la fin de la messe et le moment où l'abbé Lacordaire parut dans la chaire, mon voisin le sceptique prit encore la parole. « Espérez-vous que ce que vous allez entendre vous enchantera ? » me demanda-t-il. « Je ne sais vraiment ce que je dois espérer, » répondis-je. « Il me semble que j'avais une bien plus haute idée de ce prédicateur avant de vous avoir parlé. » Vous verrez qu'il a une abondance extraordinaire de paroles, une gesticulation très véhémente, un débit très passionné. C'était là précisément ce qu'il fallait pour établir sa réputation d'éloquence parmi les jeunes gens. Il me paraît que vous ne souscrivez pas à l'arrêt prononcé par ces critiques imberbes. Au contraire, je reconnais que cet homme a acquis une grande réputation. Mais quoique tous les talents de Paris aient depuis longtemps consenti à recevoir la couronne de laurier de la main des jeunes gens, il ne serait guère raisonnable de croire que leur jugement fût aussi profond que leur pouvoir est grand. Votre soumission à ce synode sans expérience est fort extraordinaire. Je ne saurais la comprendre. Cela ne m'étonne pas, dit-il en riant. C'est une mode tout à fait parisienne. Mais il paraît que tout le monde se trouve bien de ce que cela est ainsi. Si une nouvelle comédie se joue, ce sont les jeunes gens qui décident de son sort. Si un tableau est exposé, ce sont eux qui fixent le rang qu'il doit tenir parmi les ouvrages de l'école moderne. Qu'un danseur, un chanteur, un acteur, un prédicateur s'élève, qu'un nouveau député monte à la tribune ou un nouveau prince sur le trône, ce sont toujours les jeunes gens qui les jugent. Et leur arrêt est cité avec une déférence dont un étranger ne saurait se faire une idée. « Chut, chut !» se fit entendre en ce moment près de nous. « Le voilà !» Je jetai les yeux du côté de la chaire, mais elle était encore inoccupée, et en regardant autour de moi, je m'aperçus que tous les regards étaient dirigés vers une petite porte dans la galerie septentrionale, presque immédiatement derrière nous. « Il est entré là !» dit une jeune femme d'un ton qui semblait indiquer un sentiment plus profond que celui du respect et qui pouvait approcher même de l'adoration. Ses yeux, de même que ceux de plusieurs autres personnes, demeurèrent fixés sur cette porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvrit et qu'un jeune homme d'une taille élancée, dans le costume de prédicateur, s'y présenta. Un huissier lui fraya un chemin à travers la foule, laquelle, toute épaisse qu'elle était, s'ouvrit pour le laisser passer avec plus de docilité que si une compagnie de cavalerie se fût présentée pour la disperser. Le plus profond silence accompagna sa marche. Jamais je n'avais vu de démonstration de respect aussi frappante, et pourtant, on m'assure que les trois quarts de Paris regardent cet homme comme un hypocrite. Quand il fut monté en chaire, et pendant qu'il se préparait par une prière muette au devoir qu'il allait remplir, un mouvement eut lieu dans le haut du cœur, et bientôt l'archevêque, suivi de son magnifique cortège de clergés, s'avança vers la partie de la nef qui est directement en face du prédicateur. Quand ils arrivèrent aux places qui leur étaient destinées, chacun s'assit sans bruit à celle que son rang lui assignait, pendant que toute l'assemblée se tenait respectueusement debout. Admire un si bel ordre et reconnaît l'Église. Il m'est plus aisé de vous décrire tout ce qui précéda le sermon que le sermon lui-même. C'était un tel flux de paroles, un si rapide torrent de déclamations passionnées, qu'avant d'en avoir entendu assez pour juger la matière du discours, je me sentis tout disposé à préjuger la personne du prédicateur, et je soupçonnais que son sermon m'offrirait plutôt les fleurs de la rhétorique humaine que la simplicité de la vérité divine. La violence de ses gestes me causait d'ailleurs une répugnance extrême. Les mouvements rapides et continuels de ses mains, qui s'agitaient tantôt seuls, tantôt les deux à la fois, me rappelèrent les ailes d'un oiseau-mouche, si ce n'est que le bourdonnement que font entendre d'ordinaire ses ailes ne partait pas cette fois-ci de l'oiseau, mais des auditeurs. À chaque pause qu'il faisait, et ces pauses étaient fréquentes, et faites exprès, à la manière des mauvais acteurs qui quêtent des applaudissements, à chacune des pauses, dis-je, un petit murmure approbatif se faisait entendre dans la foule. Je me rappelle d'avoir lu quelque part l'histoire d'un prêtre d'une haute noblesse, qui mettait tant d'importance à ce que ses auditeurs conservassent pour lui le profond respect qu'il se croyait en droit d'exiger, que toutes les fois qu'en prêchant il leur adressait la parole, c'était toujours dans ces mots « canaille chrétienne ». C'était bien mal sans doute, mais je ne sais si celui de messieurs, dont se sert l'abbé Lacordaire, n'est pas tout aussi inconvenant dans la bouche d'un pasteur chrétien. Cette apostrophe mondaine a été répétée sans cesse pendant tout le discours, et je suis convaincu qu'elle a contribué à l'effet désagréable que m'a causé son éloquence. Je ne crois pas avoir jamais entendu de prédicateur qui me fait moins de plaisir et que j'ai moins admiré que ce saint de Paris. Il fit plusieurs allusions très claires à la renaissance de l'Église catholique en Irlande et prononça très cordialement anathème contre ceux qui s'y opposeraient. En décrivant les deux heures qui précédèrent la messe, j'ai oublié de vous dire que plusieurs jeunes gens, non pas de ceux qui se trouvaient dans les places réservées dans le chœur, mais de ceux qui nous entouraient, passèrent le temps à lire. Quelques-uns des volumes qu'ils tenaient avaient tout l'air de romans sortis d'un cabinet de lecture, tandis que d'autres étaient évidemment des recueils de chansons, bien spirituelles sans doute, mais qui n'avaient rien de spirituel. L'ensemble me découvrit une nouvelle page de l'histoire de Paris tel qu'il est. Et je ne regrette point, d'après cela, les 4 heures qu'il m'a coûtées. Mais une fois suffit. Je n'irai certainement pas entendre de nouveau l'abbé Lacordaire.